Actu, débat, culture, idées, musique. Ça c'est l'Europe. Vous êtes sur Fadjet, à l'écoute d'Europe & Roll. Ça c'est l'Europe. Bonjour et bienvenue sur Fadjet, vous êtes bien à l'écoute d'Europe & Roll, votre émission préférée. Comprendre et décrypter l'actualité européenne, tout cela accompagné de merveilleuses musiques du continent, dans la joie de vivre et dans la bonne humeur, voici l'objectif de notre émission. Qui est diffusée, on ne le rappellera jamais assez, le dimanche à 13h et le lundi à 17h30, mais également disponible en podcast bien sûr. Retrouvez-nous par exemple sur Spotify. Aujourd'hui, cap à l'est, cap vers la Pologne. Depuis 5 ans, la Commission européenne et la Pologne sont en conflit en raison des réformes de la justice mises en œuvre par le gouvernement polonais. Bruxelles a multiplié les initiatives pour tenter de contraindre le pays à revenir à une organisation à même de garantir l'indépendance de la justice. Jusqu'ici, sans succès. Le jugement de 7 octobre, rendu par un tribunal proche du parti de droit et justice, au pouvoir, a encore accentué les tensions. Aujourd'hui, en cette période troublée, Europe & Roll fait le point sur ce pays dont on parle trop peu. À mes côtés pour débuter l'émission, mon cher Elias, ma chère Tara, l'inimitable Cécile également, salut à vous trois. Voilà. Aujourd'hui, une vague enthousiaste d'animateurs Europe & Roll nous rejoindra pour faire un bilan de ce qui se passe en Pologne. Bonjour Mathilde, Nicole, Léandra, sur Elias et Tara qui sont déjà là, le tout accompagné d'une sélection musicale de Cécile. Avant de nous lancer dans cette émission, c'est l'heure du journal européen avec le merveilleux Elias. La question de l'état de droit en Pologne est depuis pas mal de temps centrale dans les institutions européennes et dans l'Union. Cela a été réitéré directement mardi à Strasbourg entre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a menacé de bloquer les aides de fonds de relance demandées par Varsovie tant que le pays ne serait pas revenu sur ses réformes controversées de la justice. En face, le premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a reproché pour l'Union européenne, chantage et abus de pouvoir. Le polexit est dans ce contexte évoqué. L'Union doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher une sortie de la Pologne, insiste Der Spiegel, qui parle d'une Union européenne incomplète sans le maintien de la Pologne dans l'Union. Peter Markitfaj serait le candidat de l'opposition unie face à Viktor Orban pour les législatives de 2022, ce qui résulte de la primaire organisée par 6 partis aux sensibilités les plus diverses. En 2018, Markitfaj avait déjà remporté les municipales dans la ville Dometsovo-Sareli en forgeant une alliance similaire. Le journal autrichien Kleine Zeitung établit un parallèle entre la Hongrie, la République tchèque et la Pologne avec un retour possible de centre-gauche. Cependant, on ne devient pas Premier ministre sans parti. Être désigné candidat de l'opposition n'apporte rien à Markitfaj, assure par un journal le Profidesz. La Russie a décidé de fermer jusqu'à nouvel ordre sa représentation au siège de l'OTAN. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a par ailleurs annoncé la fermeture de sa représentation de l'OTAN à Moscou à compter du 1er novembre. Raison évoquée par le Kremlin, la décision de l'Alliance de retirer leur accréditation à des diplomates russes soupçonnés d'espionnage. L'inquiétude domine dans la presse, le Süddeutsche parle d'un mutisme dangereux, comme le souligne le média allemand. Le dialogue permet d'éviter des conflits bien réels. Or, il n'existe plus de canaux officiels entre l'OTAN et la Russie pour assurer ce dialogue. Il y a 10 ans, l'organisation séparatiste et socialiste basque ETA renonçait à la lutte armée. Lundi, les représentants de la gauche indépendantiste, hérités de sa vitrine, ont évoqué la nécessité de reconnaître et de réparer toutes les victimes de l'organisation terroriste. Pendant 5 décennies, l'État a tué plus de 850 personnes, parmi lesquelles des militaires, des politiques, des policiers, mais aussi des civils et des journalistes. CTXT se réjouit que le camp antidémocratique ne puisse plus légitimer son action en invoquant la lutte contre le terroriste. Car, comme dit dans un de leurs numéros, pendant des années, le conflit violent avec l'État au Pays Basque a marqué le quotidien de nombreuses victimes, mais il a aussi servi à justifier toute une série de mesures d'exception qui s'inscrivaient dans la continuité de l'État franquiste et entravaient la normalisation démocratique de notre pays. Des nouvelles pas du tout rassurantes, dis-moi Elias. Absolument pas. J'espère qu'on passera un meilleur moment avec Tara, qui va nous parler des droits des femmes en Pologne. Je pense que non. C'est malheureux, parce que on n'attend que ça. Ça c'est l'Europe, l'Europe est l'Europe. Alors Tara, l'année dernière, ça a fait l'actualité, le droit des femmes en Pologne. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, donc en effet, Strajk Kobiet. Je m'excuse auprès de nos écouteurs polonais pour ma mauvaise prononciation. C'est le slogan qui a pu être vu sur les pancartes des manifestants et sur les réseaux sociaux. Mais Sarah, ça veut dire quoi, Strajk Kobiet ? Je m'excuse aussi hein, pour nos auditeurs polonais. Oui, en polonais, ce slogan signifie « c'est la guerre ». Ainsi, il exprime le mécontentement des Polonais et Polonaises qui manifestent contre la quasi-interdiction de l'avortement dans le pays. Cette forte limitation du droit à l'avortement a été rendue par le tribunal constitutionnel par un arrêt du 22 octobre 2020. En effet, à présent, l'avortement ne restera légal qu'en cas de menace pour la vie de la mère et ou si la grossesse est le résultat d'un viol ou d'un inceste. Les associations qui luttent pour les droits des femmes en Pologne dénoncent une nouvelle guerre déclarée par le pouvoir contre les femmes. Cet acte est en effet une violation des droits des femmes et plus généralement des droits de l'homme, comme le rappelle le Comité des Nations Unies. Selon ce comité, l'avortement est un droit de l'homme parce que, je cite, « toute personne a le droit de prendre des décisions éclairées concernant son corps et sa santé et de déterminer si ou quand elle veut avoir des enfants ». Mais ce n'est pas tout. En effet, le parti Droit et Justice, un parti proche de l'Église catholique et considéré comme d'extrême droite, a effectué plusieurs entraves aux droits des femmes depuis 2015 en Pologne, l'année où il a accédé au pouvoir. Tu peux me citer des exemples, Sarah ? Oui, bien sûr. Par exemple, le gouvernement polonais a retiré son pays de la Convention d'Istanbul, un traité qui vise à mettre fin à la violence faite à l'égard des femmes. Ce traité est le premier outil supranational à fixer des normes juridiquement contraignantes en vue d'empêcher des violences de nature sexiste. De plus, le gouvernement polonais a fait voter en 2017 au Parlement une loi limitant l'accès à la pilule du lendemain. Ainsi, la pilule du lendemain est maintenant seulement accessible sur prescription médicale. De plus, l'État polonais a supprimé les subventions de l'État pour la fécondation in vitro. Mais Tara, il y a des réactions à l'étranger parce que c'est une atteinte qui est scandaleuse. Oui, elles furent multiples. Que ce soit du côté des ONG telles Amnesty International, des personnes publiques ou encore des citoyens du monde entier. Même des experts en droits de l'homme des Nations Unies ont exprimé leur inquiétude quant à l'évolution des droits des femmes en Pologne. Pour l'instant, un journal bien triste aujourd'hui. Malheureusement, une émission qui ne donne pas du tout le sourire. Peut-être que les musiques de Cécile vont réussir à nous rendre le sourire. Bonjour Cécile. Salut Juliette! Et pour cette première pause musicale, je te propose de commencer avec le début et d'écouter un peu de Polskiego Rocka, du rock polonais, avec Poszczatek, du collectif Meszczki Granie Orkieska, avec Cortez, Postiawo et Zalewski. Straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał nowego your słońca blask, wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na gąsienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Cette formidable musique qui a été choisie par Cécile, nous allons retrouver Mathilde pour quelque chose d'un peu plus sérieux, puisque tu vas nous parler, si je me souviens bien, de quelque chose de pas très fun qui s'appelle la primauté du roi européen. Rien que le nom nous fascine finalement. C'est une actualité qui a fait la une de tous les grands journaux européens. Elle a même été qualifiée d'historique par certains. Il s'agit bien sûr de l'arrêt du tribunal constitutionnel polonais du jeudi 7 octobre dernier qui remet en cause la primauté du droit de l'Union européenne, principe fondamental de son fonctionnement depuis les années 1960. Cette décision fait suite à une saisine de la plus haute instance juridictionnelle du pays par le Premier ministre Mateusz Morawiecki. Pour le tribunal constitutionnel, certains articles des traités européens sont en effet incompatibles avec la Constitution nationale. Le chef de file du PIS, le parti droit et pouvoir du président Andrzej Duda, a lui aussi affirmé qu'en Pologne, la plus haute loi est la Constitution et que toutes les normes européennes qui sont en vigueur en Pologne doivent la respecter. Mais comment expliquer ce séisme politique et juridique causé par cette décision en Europe ? Eh bien, le souci, c'est que le principe de primauté du droit européen sur le droit national est au fondement du fonctionnement de l'Union européenne, et ce depuis le 15 juillet 1964. En effet, l'arrêt Costa contre Enel de la Cour de justice des communautés européennes, l'ancêtre de la Cour de justice de l'UE, précise que le droit européen a une valeur supérieure aux droits nationaux des États membres. Ce principe fondamental revêt un objectif majeur, garantir la même protection de tous les citoyens européens sur l'ensemble du territoire de l'UE. Ainsi, tous les États membres de l'Union doivent strictement la respecter. Mais ne pourrait-on pas considérer que cette décision du... Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les conséquences qu'implique la primauté du roi européen ? Alors concrètement, cela signifie qu'un État membre de l'UE ne peut appliquer n'importe quel droit. Tous les actes législatifs nationaux qu'il adopte doivent respecter plusieurs textes en vigueur au sein de l'Union. Il s'agit par exemple des traités fondateurs, de la Charte des droits fondamentaux ou encore des principes généraux garantis par la Cour de justice de l'UE comme l'état de droit, la sécurité juridique ou encore la non-discrimination. Mais il doit aussi respecter tous les règlements, directives et décisions prises par les différentes institutions européennes. On peut également noter que le principe de primauté du droit européen s'applique réellement à tous les actes nationaux d'un État, qu'il s'agisse des lois, des règlements, des arrêtés, mais aussi de la Constitution. Mais alors ne pourrait-on pas considérer que cette décision du tribunal juridictionnel polonais revêt une certaine légitimité, même si la Constitution nationale doit se soumettre au droit européen ? Alors, il est vrai que l'on peut avoir le sentiment d'une toute-puissance de la législation de l'UE. Cependant, il ne faut pas oublier que le droit européen est lui-même soumis à différents principes. En effet, l'UE ne peut intervenir que dans les domaines de compétences que les États membres lui ont attribués dans les traités. De plus, elle doit veiller à ce que son action se limite à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de ces traités. On voit donc que l'UE est loin de pouvoir menacer l'autonomie législative de ses États membres. Finalement, à quoi peut-on maintenant s'attendre suite à la décision du tribunal constitutionnel polonais ? Eh bien, après les nombreuses hypothèses concernant un Polexit, c'est-à-dire une possible sortie de la Pologne de l'UE, le Premier ministre polonais est venu s'expliquer au Parlement européen mardi 19 octobre dernier. S'il a réaffirmé la volonté polonaise de rester membre de l'UE, il n'a cependant pas changé sa position concernant la primauté du droit européen. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a quant à elle menacé d'enclencher de nouvelles procédures de sanctions contre la Pologne. Mais pour savoir comment fonctionnent ces mécanismes, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, n'est-ce pas Juliette ? Oh mais ça, vous ne vous y attendez même pas ! La semaine prochaine, hein, petit spoil, ça va parler d'Europe, ça va parler de droit européen, ça va parler de beaucoup de choses. Et vous ne vous attendez pas à quel point ça va être bien, en fait. Bonjour Léandra, et merci d'ailleurs Mathilde pour cette très bonne chronique. Bonjour Léandra, tu vas nous parler des europhiles en Pologne, parce que la Pologne, apparemment, il reste dedans encore quelques europhiles. Alors, que peux-tu nous en dire ? Bonjour. Donc moi, quand je parle dans mon cercle familial ou amical de la Pologne et de son rapport avec l'Union européenne, j'entends toujours quelqu'un faire la remarque « Mais de toute façon, ils sont tous anti-européens en Pologne, alors pourquoi est-ce qu'on devrait continuer à les financer et les garder au sein de l'UE ?» Et à chaque fois que j'entends ça, je ne peux pas éviter de me faire la réflexion, peut-être avec un peu de naïveté, que c'est sûrement qu'une minorité, mais une minorité bruyante, qui est anti-européenne, mais que l'on ne parle jamais des pro-européens en Pologne, et que c'est justement un élément qui augmente ces commentaires discriminants. Et c'est justement pour ça que je voulais en savoir plus sur les europhiles en Pologne. Déjà, il faut savoir que l'intérêt pour l'Union européenne en Pologne a commencé à naître après la chute du régime communiste, puis la Pologne a rejoint l'UE le 1er mai 2004. Les tensions avec l'UE ont ensuite commencé à s'exprimer en 2015, après la victoire aux élections législatives du parti Droit et Justice, qui est ouvertement eurosceptique. Il y a deux semaines, l'euroscepticisme s'est de nouveau fait ressentir par l'annonce des juges constitutionnels de Pologne qui ont rendu leur jugement remettant en cause le principe justement de primauté du droit de l'Union européenne. Cependant, cela a également causé une grande vague de manifestations pro-européennes dans l'ensemble du pays. Celle-ci faisait suite à un appel de Donald Tusk, ancien président du Conseil de l'Europe et président du majeur parti d'opposition en Pologne. Ces images de foule, donc manifestant à Varsovie, mais dans plein d'autres villes, avec des drapeaux européens et polonais, des pancartes pro-européennes, ont certainement marqué certains. D'après France Info, on peut noter que 80% des Polonais soutiennent l'appartenance à l'Union européenne et s'opposent à un Polexit. 80%, c'est donc bien un chiffre qui confirme que ce n'est pas si naïf que ça de penser que seule une minorité de Polonais est anti-européen. Ils sont pour une appartenance à l'UE pour une multitude de raisons, mais la principale est souvent la peur de ces europhiles de retourner dans un système communiste. Cela explique d'ailleurs aussi la sous-représentation des jeunes lors des manifestations, qui n'ont jamais connu la Pologne sous un régime communiste. Ce que l'on peut en conclure, c'est qu'on associe souvent le gouvernement d'un pays avec les habitants d'un pays, ce qui est un raisonnement assez dangereux. En tous les cas, j'espère bien vous avoir préparé à répondre au prochain débat pendant les repas de fête de fin d'année où « Ah, les Polonais, on devrait les faire sortir de l'UE, ils sont de toute façon même pas contents d'être européens », ressurgiront certainement, car au fond, c'est ce type de commentaire qui définit un vrai repas de fête de fin d'année. Ah, les débats de fête de fin d'année, on en a hâte, n'est-ce pas ? On a très hâte. Bon, en attendant que ce soit Noël, en attendant les débats sur la Pologne, en attendant les commentaires racistes. Bonjour Cécile, rebonjour plutôt, tu vas nous présenter une nouvelle musique. Oui, rebonjour Juliette. Chers auditeurs, laissez-moi vous spoiler un petit peu la suite de l'émission. On va parler des fameuses zones sans LGBT. Et justement, j'anticipe, puisque la chanson que je vous propose maintenant a été écrite par un couple gay militant afin de protester contre cette pratique xénophobe. Voici Ini de Yacoub et Dawid. palcami kradnie tlen z powietrza. Gorąca krew ożywia me wnętrza. Rozum na straży stawia mnie do pionu, lecz myśli gubią się w sieciach neuronów. Serce nie chce już słuchać głowy, bez szans na rozejm żadnej strony. A to przez jedno twoje spojrzenie, czy to był znak, czy złudzenie. Nie jesteśmy inni, niczemu nie winni. Może naiwni, wierząc, że świat zrozumie nas. Nie jesteśmy inni, niczemu nie winni. Czasem bezsilni, ale ten świat nie zmieni nas. Nieśmiało prawdę tobie odkrywam. Ty mówisz tak, ja szczyty zdobywam. W ramionach tonę, brzegu nie widać. Uczymy się razem w miłości pływać. Oczami patrzę na świat inaczej. Życie nabiera nowych znaczeń. Znów wierzę w ludzi, zła się nie boję. Ich świat się kręci, a ja nas obronię. Nie jesteśmy inni, niczemu nie winni. Może na inni, że świat zrozumie nas. Nie jesteśmy inni, niczemu nie winni. Czasem bezsilni, ale ten świat nie zmieni nas. Odrzuć bariery, zmieńmy świat czasem. Nie sądź za miłość, nie patrz na rasę. Otwórz ramiona. Nie jesteśmy inni, niczemu nie winni. Może naiwni, wierząc, że świat zrozumie nas. Nie jesteśmy inni, niczemu nie winni. Czasem bezsilni, ale ten świat nie zmieni nas. Nie jesteśmy inni, niczemu nie winni. Może naiwni, wierząc, że świat zrozumie nas. Nie jesteśmy inni, niczemu nie winni. Czasem bezsilni, ale ten świat nie zmieni nas. Nie jesteśmy inni, ten świat nie zmieni nas. Nie jesteśmy inni, ten świat. Merci beaucoup, Cécile, pour cette nouvelle musique qui est très émouvante d'ailleurs. Bon, maintenant, on accueille Nicole qui va nous parler justement des zones anti-LGBT en Pologne. Bonjour Nicole. Bonjour. Et oui, Juliette, plongeons dans un monde dystopique, celui où les droits des femmes ne sont pas toujours respectés, celui où l'état de droit n'est pas totalement respecté non plus, celui où les minorités comme la communauté LGBT+ sont réprimées, voire traquées. Quelle entrée en matière sinistre, Nicole, que veux-tu dire par là ? Eh oui, une telle entrée en matière pour introduire ma chronique sur ces fameuses zones anti-LGBT en Pologne. La Pologne, pays catholique, où des zones dites libres d'idéologie LGBT inquiètent l'UE. En réalité, 80 villes depuis 2019 sont libres d'idéologie LGBT. Cette situation est jugée préoccupante aussi par le secrétaire d'État français chargé des affaires européennes, Clément Beaune. En visite officielle en Pologne, il s'est même vu refuser l'accès à ces zones. Rejeté dans leur propre pays, la communauté LGBT polonaise se tourne désormais vers l'UE. La situation du pays est justement dans le collimateur du Parlement européen. Cette décision a une portée politique et symbolique. Dans les faits, rien n'est contraignant, mais cela autorise les magasins à refuser l'accès à toute personne qui, exhiber son homosexualité. Les collectivités peuvent aussi couper les subventions à toute initiative pro-LGBT comme la Marche des Fiertés ou Gay Pride. La parole homophobe est de fait libérée dans l'espace public comme politique. C'est fou, n'est-ce pas? On se croirait dans un vrai film dystopique, ou encore au 19e siècle. Et plus clairement, qu'est-ce qu'implique ce terme « idéologie » ? Pour écarter tout malentendu, voici une courte définition du dictionnaire. Une idéologie désigne l'ensemble de croyances et d'idées caractéristiques d'un groupe. Alors, existe-t-il des croyances ou idées LGBT ? Que dit la Bible dessus ? Eh bien, rien. On pourrait plutôt voir cela comme une tentative du gouvernement d'effrayer la population. Le terme d'idéologie a une connotation pour un pays comme la Pologne qui a connu la domination de l'URSS. La constitution polonaise interdit toute forme de discrimination. Mais les autorités polonaises jouent sur l'ambiguïté et ne parlent pas d'homosexuels mais d'idéologie LGBT, remarque Jérôme Herto, directeur du Centre français de recherche en sciences sociales à Prague et spécialiste de la Pologne. La question sous-jacente est de savoir si ces zones anti-LGBT représentent des atteintes à des personnes ou si ces discours relèvent d'une conception politique ou idéologique, dit-il. Et où est l'UE dans tout ça ? Et où est la primauté du droit européen dans tout ça, Juliette ? Ah oui, cela met en danger ce dernier, puisque cette répression va à l'encontre même des valeurs fondamentales de l'UE, acceptées par, je le rappelle, tous les États signataires. Reste que l'Europe manque d'outils juridiques efficaces sur les questions de l'état de droit. Il y a bien l'arme de l'article 7, qui suspend le droit de vote d'un État membre, mais comme il requiert l'unanimité de tous les autres pays, il n'est jamais dégainé. L'Union européenne a pris une mesure de rétorsion en coupant les subventions de 6 de ces zones polonaises dans le cadre du programme de jumelage à l'été 2020. Depuis le 1er janvier, elle ne peut plus financer de programmes ou d'actions contraires à ses valeurs. Enfin, dernière mesure en date, le Parlement européen a voté le jeudi 11 mars 2021 une résolution pour proclamer l'UE zone de liberté pour les personnes LGBT. Être soi-même n'est pas une idéologie, avait tweeté la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, on soutient à l'initiative. Mais ces mesures financières ou symboliques n'ont pas convaincu la Pologne de revenir sur sa politique. La situation polonaise et des autres États réfractaires de l'UE mettent en avant les différences culturelles en tant qu'enjeu majeur du processus d'approfondissement européen. Merci beaucoup Nicole pour ta chronique. Décidément, cette émission est sinistre aujourd'hui, très triste. Que des mauvaises nouvelles. Peut-être que Cécile a une petite musique un peu... quelque chose de fun, par exemple. Est-ce que tu n'as pas, par exemple, un fun fact ? Ah, quelle jolie transition ! Effectivement, on va finir avec un petit fun fact. Est-ce que tu savais, Juliette, que dans le top des charts, l'album le plus vendu en Pologne était en fait britannique ? Et oui, c'est l'iconique Adele qui a marqué le pays en 2015 avec son album 25, qui comporte des tubes comme Hello When We Were Young, que tu connais évidemment, et bien sûr Water Under the Bridge, que je vous propose maintenant d'écouter comme il se doit. Et avant d'écouter ça, on vous souhaite à tous une très bonne journée et vous retrouverez Europe & Roll la semaine prochaine.